J'appellerai le Parti Socialiste pour adhérer à EO la gauche. Oh, quelle bonne idée. Anne Romanoff, à tout de suite. Maxime Switek, bonjour. Bonjour, Julie. Titre d'Europe Midi. Oui, vous le savez, nouvel horaire pour Europe Midi. Je le dis et je le répète depuis lundi. Nous nous retrouvons tous les jours de 12h30 à 13h15. 45 minutes pour faire le tour de l'actualité. Et dans une demi-heure, donc, nous regarderons, nous aussi, d'un œil légèrement inquiet, le thermomètre qui continue de grimper cet après-midi. Écoutez bien, 38 degrés à Paris. Même chose attendue à Bordeaux. 39 attendue à Auxerre. Nous ferons à midi et demi un tour de France complet de ces villes qui ont plus que chaud. À 12h30 également, les recherches qui se poursuivent en Italie. Au moins 247 morts après le séisme d'hier. Des recherches très compliquées, notamment à Amatrice, le village le plus touché et où nous serons tout à l'heure avec nos envoyés spéciaux. Le débat sur le burkini, c'est à 15h que le Conseil d'État doit se pencher sur la question. Une ville peut-elle interdire le port du burkini sur ses plages? Vous verrez qu'au sein même du gouvernement, les positions divergent. Nous reviendrons sur la baisse du chômage annoncée hier soir. Le gouvernement parle d'une vraie tendance. La courbe est-elle enfin en train de s'inverser? C'est la question que nous poserons. Et puis, on l'a appris ce matin, Sonia Riquel est morte. La couturière française avait 86 ans. Nous retracerons sa carrière, elle qu'on surnommait la reine du tricot. Vous verrez ce qu'elle a, tout ce qu'elle a apporté à la mode. Voilà le programme d'Europe Midi. Rendez-vous dans une demi-heure, je vous rappelle le nouvel horaire. 12h30, 13h15. À tout à l'heure. Mais à tout à l'heure, c'était Maxime Switek. Tiens, d'ailleurs, Europe Midi, c'est un journal qu'on peut suivre en intégralité et en vidéo sur europe1.fr. Et bien évidemment, vous pouvez réagir pendant Europe Midi sur Twitter avec le hashtag E1Midi, notamment pendant le débat de 13h, débat qui portera tout à l'heure sur le burkini. Merci beaucoup. À tout à l'heure, Maxime Switek. Rendez-vous donc à midi et demi. Vous écoutez Europe 1. Très belle journée. Il est 12h. Europe 1. Ça pique, mais c'est bon. Midi, midi 30. Mais c'est bon. Anne Romanoff. Bonjour à tous. Bienvenue dans Ça pique, mais c'est bon. Nous sommes le jeudi 25 août, 238e jour de l'année. Aujourd'hui, nous fêtons les Louis, Clovis, Loïc, Ludovic et Ludwig. Joyeux anniversaire à Xavier Niel, Tim Burton et Thorz, Damien Lecomte. Bonjour à tous. Il est jaloux. Tu fais pas du tout 1m80. C'est pas grave, je vais dire ça pour les auditeurs. Damien Lecomte a été déjeuner dans un restaurant nudiste. Très bonne idée par cette chaleur, je vais y penser et il nous racontera. Et pour terminer, le très baraqué Romain Chélan. Salut tout le monde. Romain Chélan nous donnera son avis sur le burkini. On a hâte. Dans cette émission, on essaiera de trouver 10 idées pour faire revenir les touristes à Paris. Et j'appellerai le Parti Socialiste, ou ce qu'il en reste, pour essayer d'adhérer à EO la gauche. Est-ce que vous connaissez EO la gauche? Du tout. Mais EO, EO, EO. Vous êtes EO. C'est qui? Eh bien, au Parti Socialiste, ils connaissent pas non plus. Europe 1, Anne Romanoff. Chaud en France, très chaud, tu prends une douche et 10 minutes après tu transpires. Moi ce matin j'ai failli venir en maillot de bain. Mais l'émission étant filmée et vu que j'ai 50 ans et que je suis un peu potelée, je me suis abstenue. Oh dommage. Non. Oh, je c'est dommage. Je voulais voir ça moi. Quelle bande de faux culs. Mais il y a un petit haut un peu transparent quand même. Oui, on pourrait le regarder en vidéo. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand il fait chaud, on réfléchit au ralenti. Pour preuve, les conversations passionnantes qu'on entend en boucle depuis hier. Oh, il fait chaud. Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud? Bon, on va pas se plaindre, mais je trouve quand même qu'il fait vachement chaud. Tiens, je vais prendre un demi pour me rafraîchir. Eh non, la bière ne rafraîchit pas, elle fait pousser le ventre. C'est comme les glaces. Moi, chaque fois qu'il fait chaud, je m'achète un magnum à la vanille aux amandes. Les glaces, c'est comme les bières, ça rafraîchit pas, ça fait pousser les cuisses. Alors aujourd'hui, il fait un temps à manger dehors sous un parasol si on a un jardin, sur une terrasse en respirant les pots d'échappement si on est parisien, et à l'intérieur si on est une personne âgée ou un bébé. Ouais, les personnes âgées et les bébés, c'est ce que Jean-Pierre Pernaut appelle les personnes fragiles. Et le problème des personnes âgées et des bébés, c'est qu'ils n'entendent pas ces conseils de prudence. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Alors je le redis, mamie, pendant la canicule, les autorités conseillent de boire et rester chez soi. Hein? Qu'est-ce qu'elle dit? Eh oui, la canicule, c'est comme le chômage. On boit et on reste chez soi. Alors aujourd'hui, il fait un temps, elle est à la plage et nous, on bosse. Mais on est heureux de travailler dans un pays où il y a 3 millions à 6 millions de chômeurs, selon la manière de compter. Quand tu bosses fin août, tu dis merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Quelle spontanéité. Alors hier, à cause de la canicule, pour me rafraîchir, j'ai voulu acheter un petit ventilateur chez Darty. et je suis ressortie avec un climatiseur. Ça n'a rien à voir. Hein. Non. Un ventilateur, ça brasse du vent, mais ça change pas le climat comme François Hollande, tandis que le climatiseur a un réel impact comme Angela Merkel. Je pense que le vendeur m'a vu venir. Bah, si j'étais vous, je prendrais un climatiseur, mais bon, c'est vous qui voyez. Ah bah, pour voir, j'ai vu. Hein. Quand j'ai monté le climatiseur chez moi, j'étais en nage. En nage, c'est une expression élégante pour ne pas dire j'ai sué comme une vache. Être en nage, c'est comme une épreuve de natation synchronisée dans une piscine où il n'y a pas d'eau. Si vous êtes accablé par la chaleur, fatigué parce que vous rentrez de vacances ou déprimé parce que vous n'êtes pas parti, dites-vous que vous pourriez être François Hollande. François Hollande a passé une semaine de merde. Dimanche, Montebourg a dit que son bilan n'était pas défendable. Mardi, Sarkozy se présente. Mercredi, un ancien conseiller d'El Khomri le traite d'amateur. Jeudi, c'est aujourd'hui, je serai lui, je me méfierai. Alors on envoie plein de courage à ceux qui travaillent par ces grosses chaleurs et je rappelle que quand il fait 40 degrés à l'ombre, rien ne t'oblige à rester à l'ombre. Ça pique, mais c'est bon. Vous savez que le tourisme a baissé à Paris et nous on a décidé de lutter contre ça. Voici 10 idées pour convaincre les touristes de venir à Paris. Revenez les touristes à Paris, mais par pitié, c'est invivable. Autour de moi, regardez, rendez-vous compte, c'est l'enfer, il n'y a que des Parisiens. Come in Paris, because Paris is the most beautiful town in the world, and everyone speaks English good. Bon, sinon, pour faire revenir les touristes à Paris, on pourrait placer un panneau déviation juste à l'entrée d'Ibiza. Pour faire revenir les touristes à Paris, il faut qu'on leur rappelle que 51% des Parisiennes sont célibataires. Hein ? Et au vu des Parisiens, je dirais désespérés. Là, c'est un appel personnel, Anne-Sophie. Oui, je fais un coucou, n'hésitez pas à appeler Europe 1. Revenez les touristes, il n'y a aucune autre ville au monde où on te répond si gentiment quand tu demandes ton chemin. Où le tueur Raphaël ? Je suis pas du quartier. Pour faire revenir les touristes à Paris, je propose de leur faire croire que Paris est en Suisse. Alors, c'était l'accent suisse, mais c'est pour... Pour faire revenir les touristes à Paris, on pourrait remplacer l'eau de la Seine par du Château Lafitte. Ah ouais. Hein, et attention à ne surtout pas faire l'inverse. Moi, en tant qu'étranger, je dis à Paris, on trouve des choses que ne trouve nulle part ailleurs. Des crottes de chiens, un fleuve pollué et une délicieuse odeur de pipi. Pour faire revenir les touristes à Paris, il faut leur rappeler que c'est nous qui avons inventé le French Kiss et qu'on peut très bien leur montrer comment on fait. Hein ? D'ailleurs, Paris, c'est la ville de l'amour. À chaque fois que tu prends le taxi, tu peux te faire baiser. Pour faire revenir les touristes à Paris, je propose qu'on leur dise que c'est open bar. En tout cas, avec moi, ça marche. Et puis, pour faire revenir les touristes à Paris, je propose qu'on invente une appli où on pourrait les attraper. Tourist Go. Ça pique, mais c'est bon. Europe 1, midi, midi 30. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Damien Lecamp, par ces grosses chaleurs, vous avez une idée formidable. Vous avez expérimenté un restaurant nudiste. Anne, je suis colère. Ça va péter, ne m'arrête pas, Anso. Je suis chafouin. J'adore le voir comme ça, il est hyper impressionnant. Il est tellement baraqué. Hein, on va le mettre en photo sur Facebook. Je fais des tu es un peu gringalet quand même. Non, je fais des pompes américaines, c'est pour ça. Non, mais à côté de Romain Chélon, on dirait Laurel et Hardy quand même. Ah, bah oui. Mais je suis pas gros. Non, mais t'es large. Bon, il se drogue en même temps. Ah bon. La semaine dernière, j'étais en vacances à Brighton. Last week, I was in Brighton. Oh, c'était pour voir des amis, hein, to have sex and blowjobs. Je vois qu'on apprend l'anglais sur les mêmes sites, c'est bien. Et là, sur la plage, oh, un burkini, parce qu'ils sont en liberté là-bas. Elle était belle, un beau petit lot du 100% polyester. Mais le burkini, c'est injuste pour nous les hommes en slip de bain, parce que je porte un slip. Une petite gringalée, mais en slip, je fais quand même mon petit effet. On ne cache rien, nous les hommes et ces dames. Peuvent se moquer de notre bite, de nos poils, de nos muscles saillants. Oui. Quand on en a. Bon, le burkini ne serait donc qu'un exemple de plus de la soumission des hommes aux diktats de la femme. Je croyais que tu parlais de restaurants nudistes. Ça arrive. Ah bon, d'accord. Conscience. Mais quelle gourmande. Alors bon, ça arrive. Qu'est-ce qui se passe à Paris pendant ce temps ? On annonce l'ouverture d'un restaurant pour nudistes. Ah ! Ah, Paris, la ville de l'amour. Paris, the city of syphilis. Non, alors ce resto à poil, je suis contre à 100%, mais vraiment à 100%. Bon, Anne, j'ai réservé pour tous les deux samedi soir. Moi, je vais pas être dans un restaurant nudiste, je suis connue, imagine, tu prends en photo, ça va pas. Oui, mais vous avez fait des petits. Déjà, quand je suis sur la plage, j'ai très peur qu'on me paparazzi. C'est vrai ? Oui, mais on m'a pas paparazzi. Je faisais très attention, mais je gardais mon maillot, ma serviette jusqu'au dernier moment. Ah ouais, non, mais je comprends. Non, mais c'est sûr, dans le restaurant à poil, tous les deux, et les paparazzi sont braqués. braquer sur moi, c'est évident. Je... Okay. D'accord. Alors bon. Non mais manger à poil, c'est quoi ce truc de hippie? L'origine du monde. Tout le monde voit l'origine du monde. Je veux la voir au musée d'Orsay, pas à Buffalo Grill. Tenez, cet été. Je suis passé près d'un camp naturiste à Saint-Égulfe. Je pense être passé pas loin à Saint-Égulfe. Si, il y a de quoi vous couper l'appétit. L'anatomie des hommes et des femmes avait l'air de tenter un suicide par pendaison. Alors imaginons, Anne, nous sommes tous les deux resto nudistes. Mm-hmm. Ouais, mais ça me dit rien d'imaginer ça. Bon, faites un effort, messieurs, dames. Bonsoir, vous désirez un apéritif, le kiré gratuit pour ceux qui viennent avec leur mère. Bon. Mais c'est pas vrai, je peux pas être ta mère. T'as 34 ans, j'ai 50 ans, donc je t'aurais eu à 16 ans. Eh ben, tout est possible. Ma mère m'a eu à 16 ans. En province, tout est possible. Alors bon. Bon. Par contre, t'as un enfant à 16 ans, c'est un accident. Mais elle en a eu deux. Ou bah c'est oui, voilà, j'aime bien raconter mes un accident ou c'est le prof. Bon, on enchaîne, s'il vous plaît, parce que... Bon, Anne, vous mangez votre blanquette. Ah. On va faire cette chaleur, je mange pas de blanquette, je mange une salade. On travaille dans des conditions minables, hein, je vous le dis. En face de vous, un type, la bière dans son ventre glougloute. Il mange une panna cotta, la crème coule dans les poils argentés de son torse. Avant de glisser doucement vers son intimité, ça colle. Il en récupère avec son doigt qu'il lèche. Ça colle, mais c'est bon. Ça colle. Oh non. Mais oui, ça colle, mais c'est bon. Allons plus loin, tiens. Faisons la fusion du restaurant à poil et du restaurant dans le noir. Oh, le suspense au moment de chercher la salière. Mais c'est l'époque. Quand on n'a plus d'idées, on se fout à poil. Alors on va inventer quoi demain? L'enterrement à poil, la guerre à poil pour plus de gens à poil. D'ailleurs, comme j'ai pas d'idée, pour finir la chronique, je propose de la terminer à poil. Chiche. Hey. Allez-y, montrez l'exemple en public. Après tout, l'émission s'appelle Ça pique, mais c'est bon. Mais c'est bon. On l'a dit tout à l'heure, le tourisme a chuté de 7% à Paris et nous qui vivons à Paris, on ne comprend absolument pas pourquoi. Enfin, si, un peu quand même. Hein. 7% de touristes en moins à Paris, il n'y a pas que les attentats. Hein. Il y a aussi les vols, le café à 8 euros sur les Champs-Élysées ou la salade niçoise à 35 euros Trocadéro. C'est du vol. En même temps, je comprends pas. Pourquoi venir en vacances à Paris? Hein, si le principe, c'est de passer du temps avec des gens qui font la gueule, autant se marier. Non, mais c'est terrible. Avec la baisse de la fréquentation touristique à Paris, tous les secteurs sont touchés. Les hôteliers, les restaurateurs et les pickpockets. À propos de tourisme, le Canada lance une campagne auprès des touristes américains. Laissez vos armes à la maison. Oui, les Américains, laissez vos armes. Mais pensez à récupérer votre cerveau, ça va commencer à se voir sinon, hein. Et on termine avec une info canicule. Oui, petite info canicule. Je vous rappelle que ne pas rafraîchir une personne âgée reste le meilleur moyen de la refroidir. Sinon, j'ai une petite astuce sur comment faire pousser de l'argent en trois étapes. Alors, numéro 1, planter mamie au soleil. 2, ne pas arroser. 3, récolter l'héritage en fin de journée. Oh, mais c'est lamentable. Europe 1, Anne Romanoff. Dans quelques instants, je vais appeler le Parti Socialiste pour m'inscrire à ce mouvement et au la gauche. Vous verrez qu'ils ne sont pas toujours très au courant. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook. On est désormais 1599 sur la page. Ça pique, mais c'est bon. Et 430 sur Twitter. Ne bougez pas et on appelle le Parti Socialiste. Ça pique, mais c'est bon. Reviens dans un instant sur Europe 1. Carrefour. Chérie, et sûr, vous êtes de la place dans le placard? Parce que chez Carrefour, on économise un max sur les grands formats. Oui, j'ai vu, par exemple, jusqu'au 5 septembre, pour 3 boîtes de lessive Le Chat achetées, t'en as 3 gratuites. 3 gratuites? Énorme! Et c'est comme ça pour plein d'autres produits. Vite, on fait de la place alors. Jusqu'au 5 septembre chez Carrefour, profitez d'un max d'économies sur les grands formats. Par exemple, pour 3 boîtes de lessive Le Chat achetées, 3 boîtes gratuites. Valable sur la lessive Duobulle Le Chat, lot de 6 x 32 capsules. Détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Carrefour. Je suis le chariot de chez Castorama. Et avec mes copains, nous encourageons tous ceux qui ont des projets à aller jusqu'au bout de leurs idées. Et on les accompagne même dans les rayons. Pas vrai les copains? Oui! En plus, jusqu'au 4 septembre, c'est la grande braderie chez Castorama. Avec plein de petits prix, des centaines d'offres exceptionnelles, des bonnes affaires en quantité limitée. Attention, premier arrivé, premier servi. Alors c'est le moment de foncer. Moi je pars m'échauffer, faudrait pas que je me claque une roulette non plus. Voir conditions en magasin et sur castorama.fr. Liste et horaire des magasins ouverts ce dimanche sur notre site. Cette semaine, dans Le Point, le palmarès 2016 des hôpitaux et des cliniques. 1400 établissements passés au crible pour déterminer les plus performants dans 66 spécialités médicales et chirurgicales. Pour la première fois, Le Point vous informe sur les meilleurs services pour soigner la leucémie et le mal de dos. Le palmarès 2016 des hôpitaux et des cliniques, un dossier exceptionnel du Point. Je sais pas chez vous, mais chez nous, les vacances, on en profite même avec un petit budget. Resto les pieds dans l'eau et activité à gogo. Et à la rentrée, on reste sur notre lancée. Économie et bon moment en famille. En ce moment, chez SFR, la fibre est à seulement 19,99€ par mois pendant un an, puis 44,98€ avec en plus la première ligue et la Liga portugaise en exclus sur SFR Sport. Enfin, la fibre avec plus que la fibre. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre fibre starter soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients jusqu'au 3 octobre. Location box plus 5€ par mois. Frais d'ouverture de service 29€, engagement 12 mois. Détails sur SFR.fr. Le jour d'avant, je passe au clair de mes nuits à repenser la vie, à passer en revue une dernière fois mon aujourd'hui. Alors je me dis, c'est peut-être que je vieillis. Je veux pas laisser passer ma vie. Le bonheur, c'est pas le but. Les cahiers, les dessins que j'ai gardés du jardin d'enfant. Je passe mon temps à penser à l'avant, à l'après. Allez, c'est décidé, je veux profiter de mon présent. Alors je me dis, c'est peut-être que je vieillis. Je veux pas laisser passer ma vie. Jonathan sur Europe 1, le bonheur. Anne Romanoff et toute l'équipe de Ça pique, mais c'est bon vous accompagne jusqu'à midi et demi sur Europe 1. Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. On est aujourd'hui avec Anne-Sophie Girard, Damien Lecan, Romain Chélan. Et tout de suite, je vous l'avais dit, j'ai appelé le Parti Socialiste pour m'inscrire à ce mouvement EO la gauche. Écoutez. Ancien Parti Socialiste, bonjour. Je suis au Parti Socialiste. Oui. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle, je voudrais adhérer à EO la gauche. EO la gauche. Voilà. Et je voudrais adhérer, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait un mouvement EO la gauche pour retrouver les gens de gauche. Vous êtes à gauche ou bien... Ben nous, on est le Parti Socialiste, madame. Oui, mais est-ce que c'est à gauche? Oh là là, c'est quoi cette question? Ben, parce que, je vous dis, j'ai mon gendre. On se dispute parce qu'il me dit que c'est pas la gauche. Et moi, je dis si, c'est la gauche. Oh là là. Il y en a qui pensent que c'est pas à gauche, il y en a qui pensent que c'est à gauche. Ça veut dire le Parti Socialiste se situe à gauche. Ben parce que avec le Macron qui dit qu'il est pas à gauche... Ah, ben ça, après... Est-ce que vous pouvez m'envoyer un mail à oh là là, dites, j'ai 72 ans. Hein. 72 ans, ah. Ouais. Mais je peux passer vous voir, mais je voudrais adhérer... Ah, et où la gauche? Et où la gauche? Bon, ben ça, trouve ça joli, voyez. Et où? Et où la gauche? Et oui, et où la gauche? Et où la gauche? Pour retrouver les gens de gauche. Oui. C'est Combat Lénis qui a fait ça. Combat, comment que ça s'appelle? Le moment des soutiens à François. C'est Combat ouais, Pénis. C'est ça, soutien à François Hollande. Voilà. Donc, c'est ça. Il faudrait tout ça. Sous des aides de meeting campagne, des chef d'État, voilà la gauche. C'est Combat Lénis. Donc, de toute façon, il faut s'adhérer au Parti Socialiste pour rejoindre le héros, la gauche. Ah, il faut que je... Vraiment? Eh oui, si c'est le Parti Socialiste qui fait ça, il faut être adhérent au Parti Socialiste pour être à héros, la gauche. Et puis, on se réunit, on chante héros, la gauche. Héros, on rentre du boulot. Enfin, en ce moment, c'est plutôt héros, on cherche du boulot. Voilà, tout ça. Je viens vous voir, et puis on le fait sur Internet, tous les deux. Ça, normalement, on prend pas les adhésions à la fédération, puisqu'en fin de compte, il y a plusieurs sections. Oh là là, mais dites, vous compliquez les chevaux en 8 mais, ou quoi? Mais madame, on gère 90 ou 100 communes de Marseille, donc on peut pas tout le monde peut venir à la fédération demain, des Bouches-du-Rhône pour venir s'inscrire. Oui, mais dites, en plein été, il y a quand même pas débordé, hein, en ce moment. Non, on n'est pas débordé, mais c'est pas à moi de vous inscrire, madame. Vous êtes pas très gentil, normalement, et haut la gauche. C'est une question de gentillesse. On s'occupe des autres, et haut la gauche. Vois, normalement, il y a des secrets. Vous pouvez vous déplacer? Oui, bah oui. Bon, ben, laissez-moi vous tout marche, la madame. Tête marche, les gens marchent, mais Internet ne marche pas. Ne marche pas. Bon. Et je sais chanter et haut la gauche. Alors, vous êtes madame Romanov, oui. Anne. Et vous avez un numéro de téléphone, s'il vous plaît? Alors, c'est à Europe 1. Et haut la gauche. Au revoir. Ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanov. Anne-Sophie Girard a réussi cette prouesse d'être belle et drôle. Oh, oh ben alors là, je sais plus quoi dire. Vous m'aviez pas lancé comme ça. Alors Anne-Sophie Girard a du mal avec la fin des vacances. Oui. Oui. Pardon, excusez-moi, C'est vrai qu'à chaque fois que je passe aux vacances, je leur demande de passer cette petite musique. C'est comme si j'étais... C'était tellement bien. C'était bien, vous aussi? Pas mal. Ouais, ça a l'air. Moi, j'écoute. Non, mais c'est vrai, comme la plupart d'entre vous, je reviens de vacances et comme la plupart d'entre vous, le retour a été difficile. C'est vrai, qui n'a pas vécu ce moment où tu marches sur la plage après avoir bu 3 mojitos et où tu remets tout en question? Tu sais, c'est souvent le dernier soir et tu vas voir ton pote pour lui dire « Eh, c'est quoi? On reste ». Non, sérieux, on reste, on vivra sur la plage, on vendra des bracelets brésiliens, on fera des tatouages au henné. Ouais, super. Puis tu lui sors plein de bonnes raisons de pas rentrer, parmi lesquelles on trouvera pêle-mêle « on n'a qu'une vie », « même pas cap », ou encore le fameux « carpe diem ». À ce moment précis, tout te paraît possible. Tu penses même pouvoir vivre une véritable histoire d'amour avec cette jeune brésilienne qui a pourtant été très claire sur le futur de votre relation, ainsi que sur ses tarifs. Alors, petite liste des signes qui prouvent qu'il est temps de rentrer. Alors déjà, t'es fauché. Si, t'es fauché, tu viens de payer un paquet de chouchous à crédit. Hein. Deux, le mec du camping t'appelle par un surnom. Dédé, Lulu, l'autre gros con parisien. Toi, tu as volontairement dansé un zouk. Alors oui, ça marche aussi avec toutes les musiques à consonance caribéenne ou les tubes de Kenji Girac. 4, tu t'es mis à porter du orange. Alors, je n'ai pas le temps de développer ici, mais retenez en substance que cette couleur est tout simplement interdite. Oui, comme la couleur rose chez les hommes entre septembre et avril, à l'exception bien sûr des Italiens. Ensuite, tu sais qu'il faut rentrer quand ? Tu commences à te faire insulter sur Facebook à force de poster des photos de plage. Tu as répondu quand un mec que tu ne connaissais pas t'a dit « bonjour ». Tu viens d'envoyer à tes collègues la carte postale d'un chien avec un sombrero qui dit « coucou les cocos, on pense à vous au boulot ». Tu as pris l'habitude de marcher pieds nus et ça va pas être pratique porte de la chapelle. Tu sais ce qu'est une chichoumaille et tu adores ça. Tu n'as pas fait de crise d'angoisse depuis bientôt 3 semaines. Quelqu'un de ton entourage a prononcé la phrase « Eh, mais en fait, c'est super confortable, des crocs !» Et enfin, il faut que tu rentres, tout simplement parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit tous rentrés et pas toi. Bon. Ça pique, mais c'est bon. Chaque jour, vous entendez les infos, mais il y a sûrement des infos qui vous ont échappé. Petite séance de rattrapage avec les infos politiques du jour. Manuel Valls a peur que la gauche ne soit pas au deuxième tour des présidentielles. Bon, en même temps, ça changera pas grand-chose. La gauche était bien absente pendant les 5 ans du quinquennat. On a appris la candidature de Nicolas Sarkozy en lisant son livre. Bah, du coup, j'ose pas lire celui de Nabila. Manuel Valls a peur que la gauche ne soit pas présente au deuxième tour. Mais qu'il se rassure, si Hollande est candidat, elle ne sera pas non plus présente au premier tour. Grammaire, attention, on dit Nicolas Sarkozy démissionne de la présidence de les Républicains. Mais on ne dit pas Nicolas Sarkozy se rendra bientôt à le tribunal. C'est Laurent Wauquiez qui va remplacer Nicolas Sarkozy chez les Républicains. Donc Laurent Wauquiez a 15 audiences prévues au tribunal et 12 rendez-vous chez le juge. Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Romain Chélan, vous allez nous parler du burkini. Exactement. Quelle originalité. Eh ben, c'est pas moi qui fais le pays, Anne, je suis désolé. Salut Anne, salut à tous. Alors on le sait, la France c'est le pays des droits de l'homme, mais des femmes aussi. Hein. Et que fait-on depuis 10 jours pour aider la condition féminine? On a libéré Jacqueline Sauvage? On fait des lois efficaces pour que les femmes soient payées autant que les hommes? Non, ne surestimons pas notre justice, non. On a décidé d'interdire le burkini. Donc pour ceux qui ne le savent pas toujours, le burkini c'est un maillot de bain intégral que portent certaines musulmanes pour éviter de se faire mater par les hommes sur la plage et dans l'eau par les poulpes. Donc, tout a commencé avec la ville de Cannes. Alors à Cannes, ils sont quand même formidables. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois par an, il y a tout le gratin du showbiz qui se balade à poil avec de la coke plein le nez, et c'est normal, mais une fille qui se baille habillée, non. Hein. Alors le burkini, c'est désormais interdit dans une vingtaine de communes, ça devient n'importe quoi. Sur l'île de Beauté, ça a même causé une énorme rixe entre des Arabes et des Corses. Alors là, franchement, je comprends pas leur problème aux Corses. Moi, j'ai vu les vidéos du FLNC, ils sont tous en burkini, les gars. Hein. Tu peux déjà déménager, hein, Romain. Oui, je pense. Non, mais sérieusement, les mecs, si vous avez envie de vous battre pour un maillot de bain, attendez les soldes, quoi. En plus, vraiment, je vois pas le problème du burkini, à part pour celles qui le portent. C'est vrai que niveau marque de bronzage, ça doit pas être le top. C'est vrai, la tête toute rouge, le corps tout blanc, ton mec, il doit avoir l'impression de coucher avec une allumette. Hein. Non, le problème, c'est pas le droit des femmes, en fait, c'est le droit des musulmans. Hein, chaque semaine, on nous sort un nouveau débat. Le voile, le financement des mosquées, le port à la cantine, le burkini. C'est qui lance les débats en France? C'est Charles Martel? Hein? Alors, je comprends mieux pourquoi les musulmans jeûnent un mois par an. Hein. C'est parce que les 11 autres mois, qu'est-ce qu'ils mangent? Hein? Et puis là, les abus ont déjà commencé. Il y a une femme qui s'est fait verbaliser pour le port d'un simple voile. La police lui a dit que dans le contexte actuel, ils étaient obligés d'agir. C'est quoi le contexte actuel? Il y a un voile qui a mangé un bébé? Donc du coup, les flics, ils ont attrapé le voile, ils l'ont menotté, ils l'ont emmené au commissariat et le voile a été expulsé immédiatement au marché Saint-Pierre. C'est la psychose. Non, vraiment, c'est vrai. En même temps, je peux comprendre. C'est vrai, on peut cacher beaucoup de choses dangereuses sous un burkini, comme une Kalachnikov, un tank, un porte-avions ou pire encore, une femme. Donc je vous le dis, moi, je suis moins choqué par une femme qui cache tout son corps avec un tissu que par une vieille qui cache tout son corps avec ses seins qui tombent. Non, gros bite, tatouage dégueulasse, poils qui dépassent des maillots. Quand tu vois la plupart des gens à la plage, tu te dis que le burkini, ça devrait être obligatoire. En plus, moi je vous donne un petit conseil. Si vous voulez aller vous baigner à la plage en burkini cet été sans éveiller les soupçons, faites la planche, on vous prendra pour un matelas gonflable. Et profitez-en, c'est pas encore interdit les matelas gonflables. Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. C'est déjà la fin de cette émission. Oh, mais on revient demain à la même heure. Alors on va faire un grand jeu ce week-end. Alors pour jouer avec nous au jeu du vrai-faux, et ben c'est très facile. Vous appelez le 3921, 50 centimes la minute, ou envoyez vrai, V-R-A-I, au 73921. 65 centimes plus le coût d'un SMS. Il faut 2 messages pour s'inscrire. Et là, vous pourrez participer à ce grand jeu avec un très beau lot, mais on ne sait pas encore lequel c'est. Oh, c'est Damien, le lot. Petit Morito. Le petit Morito. Je vais t'appeler comme ça maintenant. Aujourd'hui, on était avec Anne-Sophie Girard, Damien Lecan, Romain Chélan. Demain, nous ferons notre première émission politique avec un invité très prestigieux, Frédéric Lefebvre. Tout le monde ne le connaît pas, mais on vous le présentera. Mais tout de suite, c'est Maxime Souitel. Bonjour Maxime. Comment allez-vous, Anne? Bonjour. Très bien. Bonjour. Alors, toute la bande. Bonjour. Alors, c'est le journal? Ben oui, bien évidemment, dans un tout petit instant de journal. Vous n'êtes pas en week-end en fait? Pas, ah, du, pas du tout. Vous êtes très bronzé, Maxime. Oui, je sais. Ça fait ressortir vos yeux. Oh, c'est gentil, profitez-en, ça va pas durer. Vous êtes bel homme hein, par rapport à ce que j'ai dans mon équipe. Vous voulez que je reste? Ah, ben, merci. Ah bah, oui, non, mais tu c'est vrai. Tu sens comment, petit Morito? C'est... petit non, mais Morito, c'est vrai. Ouais. Compare, il est bronzé, il est. Non, je crois. Oui, c'est vrai, Anne-Sophie. Oui, elle me regarde, mais moi, bien sûr. Anne-Sophie est célibataire, Maxime. Maintenant, tu veux bien savoir. Et c'est bien parce que. Apparemment, alors, tu lui plais énormément. il a eu l'air assez embarrassé quand je dis ça. C'est juste que ma femme écoute, donc. Voilà. Donc, Maxime Souitel à midi et demi pour. Ça s'appelle comment? Europe Midi. Europe Midi, voilà. Ça se tient, non? Avec Maxime Souitel. Voilà. Au salon du